D'accord, madame. Je m'en souviens pas dans les jugements de valeur. Jërëngeen jëf gaay yi, ma leen di nuyu cat ba cat ku lim juum. Mbégte lañuy am tey yéen a aaya. Kon tey dañoo fas yéene rek. Tàmbali nag di masa wu baax a baax a baax la reine mère jagat bi. Waaye nag la reine mère li ma la wax boo ko deful doon noppalu parce que boo bëggee topp panel bii ma gis. Boko beugé top ak discussion yi ah comme grip le xoma lan dula gawa bay boko beugé top defal ben recul frein baye gaay ci biir ñom Ibrahim Thiaw parce que fam ko xal ci la jëm ñom arona xam am nañu jot nek ci palam di def ay vocal ci bare bare bare bare bare bare bare bare damay deg lepp waye defal ben rek gis na na xaw nga def rek dem ñu lay massaw yalla na la yalla yëkëte ak jamm ba ah def na tay da nga jël ci nuyo bi ak lim bi jox ko fess mu limal la gaay parce que neena la mënul continuer vraiment ma ngi leen di sante di leen gëreem bu baax baax baax ciat ba ciat ku lim djum ah arona laq dakar mom xamna yoyu ko togal ko ko envoyer ko koy la ren fo febrar yi nako wara topato ci yone parce que comme moy réguler mbir mi gis ngeen sar maroc fimu feulon fan ye feul fa ben goudi jaxase ñep da yaram dafa tang koy lo indi ba jour bobu rel da nga yoxu la ko dem top waye gis nga fumu feul tay ak ni vraiment la famille debay damay tambali ci camion malien yi nga xamne mom ngeen dañ waxtane lepp ñu ko dañ deglu sen problème stationnement bi wax ci walu corruption bi ngeen lim ay exemple yu bare bare ci forte défense sécurité muy police gendarmerie loulé kon ñew ci immigration clandestine information yi ngeen ci joxe sax journaliste am ko lutax parce que yeen yi nga xamné yeenay dundu mir mi nek extérieur li ngeen ci xam min d'information lañ wax kon gatchangalama débat bi ngeen xam yëkëti ngeen ko chômage ak léral li ngeen def dina président Macky Sall dafa inaugurer ben ambassade Nigeria amna ku indi ay leral ni ambassade bobu wa dakar tax bokon depuis 2012 mom ak dangote la won expliquer lu bare bare ah alors kon gatcha ngalama gay vraiment le débat est intéressant et le débat est vraiment important te ñep xam nañ ne li ngeen di def Sénégal moo tax. Tey nag defe naa duñu sori ci wax ci bëgg nañ xool Sar Maroc foog ñu woo ko. Comme tey dañuy waxtaane wàllu immigration li mu def ci témoignage mu ne fa ëlëm sama bopp ak précision yi ak détails yi. Kon gàcce nga Massa ak ni mu ko nettalee avec beaucoup de sérieux des fois mu def ci benn dose d'humour. Sar Maroc yow xam naa bu ñu xoolee bu baax a baax a baax mës ngaa doon journaliste si say guddi parce que yow chaque jour ñu jàng ci yow lu baree bari. Kon Sar xaarama xool ndax naa ko jéem a am téléphone parce que waxoon nañ ci lu mel noonu pour jéem ko am téléphone Sar Maroc jéem a waxtaan ak moom ci mu defal ñu témoignage laa ñuy soobu ci biir waxtaan mais information à vrac rek yi nga xam ne am na fi yenn information yi dégg ngeen Aliou Ndoye muy interpeller l' assemblée nationale pour ko muy prononcé wu ci mbiru diw mbiru diw mooy wa waajooju ne pour assemblée jawar dëpp ci wax na dëgg parce que cër bopp mi ñuy fàttali cër na bokk mi ñuy fàttali ne Moustapha Niass ci waxi Moustapha Cissolo saaga yi defoon na ci sotti mu koy fàttali na ko Moustapha Cissolo wax jooju mu wax biir affaire orientam yow kii nag saaga Sénégal gi yépp nga ne pat doo ci wax xam foofu laa leen di wax ne réew mi ba pare di ko jéema si fiyeeku di ko jéema mu wax ne naa fiq di moo lalu lu bare bare bare ci prise de position yi doo jël prise de position rek te yàlla tax ak gëm dëgg déedéet Sar Maroc maa ngi lay làmb de pour xool foo nekk pour ñu xool ndànk-ndànk ñuy wax ak Sar Maroc mu wax ak ñun expliquer ñu ci li nga xam ne moo xew ci wàllu immigration clandestine bi parce que lu am solo la dañ ko war a waxtaane parce que dañu seetlu jikko bi si ak rek mu tàmbaliwaat tàmbali boo xam ne jéggi na dayo ci par exemple semaine bii ñu génn moom xawma lan moo ko waral mais nekk na loo xam ne war nañ ko xool nemmeeku ko ba pare nag Sar maa ngi ñëw ci yow de yow lay lijjant nii ndànk-ndànk pour xool nu ñuy amee Sar Maroc ci li nga xam ne moo di au téléphone déglu ko nag buñ koy déglu ñu déglu ko ak xel moo xam ne dina jariñ ngeen mayma rek jéggal ma gaay ma jéema xool Sar Maroc mi fu mu féete parce que li mu wax dafa am solo te ñu war ko déglu ak xel parce que information yi mu joxe man wax naa sax ne ko Sar Maroc foog ñu xool information yi ngay joxe ni ñu koy utiliser pour mu jariñ askan bi waaw ma ndax nag waaw ñu ngi koy jéem a woon ak Sar waxtaan ak moom Sar na nga def Pape Alé Niamo lay woo Sar noo def waaw léegi aaroo na nee na yaa aye tey xamul nu ñuy def Sar xamul nu ñuy def waaw man dama lay déglu nga ñamal ma ci immigration bi ni ko marin di Maroc di jëriñoo ak li ci laxas yëpp nga ñamal ñu ci rek pour gaay rek ñu ubbi waxtaan bi nag loolu rek laa bëgg ndeysaan ah day na war xanaa ñu jéem rek ñu jéem rek ayca man léegi damay ne pat duma la dox duma def dara dama lay deug ayja yaayer kaddu bi jerejef jerejef waaw di wax ni assalamu alaykum wa mbokk yi ma ngi nuyu la famille bu ca kulim da ngay joom di nuyu wat suñu jawrin han abaale di nuyu wat aussi la reine mère du xol nek la def ñi ñepp li yo xaye ak li yon yeek ñepp ñama adona bayu ñu ben waaw di wax ne papaale jaajeuf ñi ngi lay jaajeufa ci liggé bi ngay liggé Sénégal yow day wax deug yalla am gatch ma yaa ngi wolé le Sénégal dogu mo la ñor ba tax na bari nga ay soppé ah yalla defoon na ñu am ñu melni fukki fa aléña ci Sénégal ci télévision yi kenn benn fa aléña nek fa gën na né légui té aduna yépp soppé fu fa la Sénégal kon ba nga am loy gatch bu doy wal bu wal immigration clandestine bi nga xamanté ni mo lembé aduna bi yépp immigration clandestine nek wax deug yalla man ay jamono 2013 man dund nako out jema do xol parce que li gëna na baax way nga dem gëm sa bop ba xam réellement li li ngay def ndax am na wala amul ba yalla defé na baax man santana ci ndox bi muy bénn yoon ma amaat benen expérience duma tanté wat encore ci attaque li wax attaque way da ngay jaxalo ko poste auxiliaire marocain yi tu ko def jema jaxal nak ñom tous pour jema du goro boko ci jamé ci moy baara ko koy biage ba mais pa fi gëna xade war moy moy ci walu dox mi li nek maroc doyna war lool gis nga walu immigration clandestine alal du bare bare bare la union européenne di ngol ci wuti ci ci rew mi ñi nek ni aduna bi xam nañ loolu du secret ci aduna bi yépp xam nañ mais xaalif bi ñi ci gëna gaay ta jom ñoo ci continuer di gaay ba ila yow mi di la lay xuddi di bien ba ila yow mi di na ñoo ñoo ci gañu kon la pos parce que ñoom mën nañu émorer sen doole union européenne mo ci ñoom tous dara te liñ bëgg day am ala xuliyaal gën ala ju bare bare bare la ñu ci gën ak ñoo di ngay dégg ñepp ñoom ñoy jariño à 99% ñoom ngay jariño ñi nga dafa am nekk ci biir lo xamanteni ni bari dañ koy xaw ko dañ ko ragal wax xaw ma dañ ko xamul xaw ma dañ ko ñimu ta wax ndax walu ñu bu la ko tan ci bi ni chat yi ga yëkkal entre réew mi ak ñoom tay leer na né mais ci réew bi ko respecté parce que ci bu la jappé ci walu mbokk mi yow li lay jox pour nga lek mais way doon néw wala dañ dag mburu mom la lay jox ngay lek lo xamanteni ko ko calculer ta du 200 francs CFA du tous ala tay par contre ñoom li lay calculer ñu bo jappé ni dafa wara añu ré nek lek du baax ap après man nga ko calculer ci parce que ay 15 wala mbay wala man nga ko calculer mais lolu do ko gis ci ñoom lay yam du mëno ci tous légui nak amna lu xew lo xamanteni man damay conseil pour mbokk africain yi li lay wara suli nem moy di immigration bi nga xamanteni jaarul yoon talan jé ci ni dé baaxul dem ko lay ko jima dund personnellement man mi do ak yow jima dund bo xolé bu ñu dem bëcc ci Allah moy bo jéwé ba tangé ci ko montagne montagne koy la koy way bo xamanteni ni benn yoon la am ci ko parce que yoon boba ñepp ñu ko na jaar ay jamono 2005 2006 ñoko créé won yoon bu xat bu sew la montagne bi dafa xolé man na nek presque ay parfois mo na nek 1500 mètres dañ ko fi dox 1500 mètres dafa la 1 km 500 la ngay commencé di yéek ci petit solo bi ci ko montagne la té ba paré yombul bu xawé taw tout rek day parce ndeku bo nek sa tank rek day tarxé parce que ban bu for moko nek ban bu baax du ba tax té gis nga bo dalo mom ñak na la ci garab yi wala bala nga ag ci tout garab yi ñoo lay jëk ray ko lay na met bu yalla defé nak ba ngey ba ci ko ko para nga wala laqatu bu ko defé nga nek faak ay yeneen africain ñu ci mel ni ban dara ñu def ci nigeria ñu def ci cameroun ñu def cote d'ivoire ak guinée mais toujours ñu def ci nigeria ak cameroun ñoo fay ëpp ma la do nek ci mbolo mo xamé ni da fay tollu presque ci ay 700 600 wala pa 500 personnes ñoo xamé ni ñeppay nek ci ko al def ñu ko nga def ko dundu nak dafa jaxé lool jaxé na lool légi da ngay nek ba ay boori ngol amna groupe yi wacc dama ci doxat ay nangami lu wax ay 5 km nga dogal 6 ba 7 km ne dama ci dëkk ba ñen ñi dañuy yalwaal ci marché yi bu ko defé su am ñu leen jox baax la do da ngay ca baax da nga ko ko ciép yo xamni da dox ak lu ngol jaxate mélange la rek lek ku dund la ñu nek ñu koy wax ñaar bi ñen ñi dañuy wacc ci côté télé bi di xaar auto yu duggé côté espagne bi ñew ñen ñi di leen arrêté di leen jéma ñaan té wu gaay yi sénégalais yi wala africain yi duggé espagne di leen jéma dox di leen jéma tax lu leen tax gaay dajalé ko mëna dund mu nekk dund bu ñepp tekk parce que albo ba ngay nekk di fanal bo dé dañuy wax parce que dafa nek ay montagne bari garap légui yow boko dé é nonu amuñu fitel bu la gaxé amuñu dik taluñu ko légui da ngay jëm jël ben fan rek rek mo waxé tout rek pour nga wañi xet yi parce que xet yi yar ngeen taamu ci tabbi xet yi pour bu lé soleil dalay fébar da ngay gis ci ci amuñu xéñ ñu xol dem fa la ngi nek nit mo fa dé ngay wax rek ñu soxal ko rek buñu tour maxalé wañi xet yi dal la fay nak bari na wax tuddi yalla bari na ñeñ ñu fébar mo leen réy parce que papa abou fadi ci ko mo tay la tay da ko lendem ba bari nit par sedd amna li daru ma gis nga fi ngay teul da ngay def 15 jours ci ko yo xamanteni ni do xawu do borosu ndax mi ngay nan da koy calculer lek nak mom bu sax soralé yeug leg dal bo gisé jeb bu dogu ko bu ñor man na ci su ci xorom mo def lek ko dund la xiss bi day dem ba sa bir bi day mu ci xolé mais mat yi mat ñu wax ay 40 lañ koy xawma dañu reuy ba xamanteni day nek ci tuway yi di da ngay xatalu legui day dem ba day jox ay walu taax ay taax yu metti lan da ngay xatal mu nak tayram bi do xam sax do ngay dem ba do amati yaramu doomu adama mu nek lu do wa ku nga dindi mat yoy dina solal parce que pour lay jaar xam nga doomu adama dafa bari ay turu doomu adama dafa bari ay turu ak yoy nga bala ci carte du neex wax dig bi lay jaar all bobu dafa am ay jigen yo xam ci leleg mo am ci ben sénégalais du bari mais toujours nigérien ni wala camerounais ni ñote ëpp dañ ci bari lool tax sa goor yi pour nga mëna am jaba ci fofu dafa yo dafa xawa jaay il suffit nga dal na parti dëkk ba ñu téw wut baax ci baax ci ñu tan lolu ay nga mettre ko am ci dafaaj ñu dina nga jox ko xet xam tay ban nga jëma defal sa neeg lu gatt lay lu gatt la auteur bi presque 50 ans ci dal ci bi auteur bi da moy ko baaru ba légui nak soko defé ba mu baax nak dala bo bu gé jabar nga dem parce que dañu organiser ko fa Nigeria yi ñom ñoy chef ak tam tay dañ fay fal président de la république fal fa vice président fal fa ministre de la défense fal fa ministre de l'intérieur fal fa magistrat fal fa avocat ak ay police ak ay gor dañ ko organiser non te ñom ñoy dafa légui nak ko ko dund fa du balé dara dafa mel ni am ñew nga nek légui nak bo ko jé ci tabar yi nak da ngay nango dem dafa fexé ba dafa te benen ñew parce que papa dafa sedd tedd bu jige europe bi def pare tedd ba mara day dal ñu la bo def na tan dina lu baax nak nga gis kenn ko bëgg nga dem ci planète bi nga ko dama bëgg ci maria bu ci planète maria ko fi may la ci tax mu doon sa jabar nga ñu bu ci parlo ak mom ci ko montagne ko mo bi sax par force de day par force ak bu neexé mu naka bi la da ngay tax ngay na ba la tedd na wala ray lek gi ben baaxul ba yalla mu sel la musal lek gi baaxul bu nekk ci all bu dañuy dajalo nak dañuy dajalo bo di préparer ben combat bu wara ci attaque pour ñu jëma dem post di barrage bi nak mu nekk ak benen problème bu wolo mi dajalo xaju guti lay do ay boru minuit ngay wacc ni wacc ci montagne di montagne direct so waccé ba ci souf tay tank du dem tay tank ngay ñu ko dam da yaangi préparer ci nga wacc ci tank war nga dox 10 km nga dem ci côté bu gëna taxlo espace bi nga xamanteni da ngay seen gaay ko fa nga wara jappul porte attaque bi mu nek lu metti mais li ci dé mo bari man dama ko dund ñun dox na man gis na ñu nit ñi dé man ma gis na ñu nit dé ba nit yi affaire yi xey ñun ñu ngi ko laal parce que ñun sénégalais toujours du bari sénégal yi dafa am ben doomu du ñu appal du mag né sa xol lu ci ëpp ay gën sa xol ci ba la ñu nangu parce que bu du sénégal yi ëpp leen parce que xamna la sénégal yi carton la ñu ngi dama ci xad bi mais comme lu né yi ak nigérien yi ñoo duñ la ngoot dala gaay man dox ko ko be fa ko ci ko tax na bu ko defé toujours ñoom ñoy dogal légui na bo gu té ku dé ni muy xéñ ni do ko xam ak yu tay do xam sénégal la do xam malien la do xam guinéen la do xam luñ doon da ngay wo ñak yi ngay wo rek ñoo ko ñu réñu dem lu xati waxé ko da ko waxé ci def ci ñu xet ci ko xet ci buñu tebé di na xet yi da ko ñu ci metti dañuy solo taala do ma adama la ñen lañu fébar mo leen ray fofu lu muy nekk lu metti mu nek nek même yow di ngay démé di def attaque 10 km di wara dox yi amna lam dañ dem yag ni télé dañuy télé une ma dox ni dañuy crampe c'est pas metti sedd waaw tamit ken bop nga tal parce que mu no bëgg yéggaat ay montagne ngena da nga jëm ci porter sax amro boku c'est impossible dañu wax deug bu nek waaw bu ñu nek montagne di bokuy commencé di yegg sax dañuy yu yow no nek nek nek même bo jaaré formation commando formation bénn bu ma ci gaar ngay yu da ngay dem wuti sa dënd bi mooy tax nga taxaw parce que doo mën a yëkkat ci montagne bi est ce que nga supporté dénk ko waaw c'est compliqué mënul nekk mënul nekk mënul nekk xam waaw gis nga affaire bi yaatu na yaatu waaye boo xamante ni damay baña mën a poride ligne bi mais bu fekkente ne danaa bëgg wax lépp ban nga koo wax suma weeru yàlla ban nga koo wax te du jeex Mais traitement marocain, marocain, ñoom dañuy dund ci immigration. Non, ñoom ñoo ci gëna ñoom di ñoom tay ñoom dañ ci gagné à 100% la lay wax. Parce que amul tax. Ciow li ñuy bari bari lépp lañ wax dëgg ni. Gis nga wala immigration bu leen neexoon ñoom bu leen neexoon mën nañ mën a takk ci taat. Mais am nga ak bi yëpp réew yëpp ci sa gën yi. Est-ce que les gars parce que dañoo nekk jamono business am na yoo xamante ni bu leen leeral ni kii ak ay mil ay milliards yu ci génn sa waay doo doo ko seetaan boo seen day gën a yokk boo seen day gën a yokk ndax te ñoom gis nga fay bi leen tubaab yi di fay li ñoo lim leen di jox ñoom duñ la may dara gis nga fay bi bu yéexee du ma touché de temps dong fay bi waroon dugg seen compte yi dugul ñu bàyyi yoon ak amul ñu ci dëgg la bëri loolu par force la ñoom dañoo nekk à l'aise. Mënoo leen imposé daal parce que seen réseau réew lañ yor ñoom moom seen réew te nit ñi ñu ñaan si bëri lay bëgg dee nit ñi ñu kenn xamul nu ñu toll si réew mi ñu nekk nii. ñeent nañu si bare bare bare am na nañu fi nekk wax dëgg yàlla am nañu nekk fi def ñuul ñu ngi liggéey am nañ poste yu baax ay poste responsabilité yu baax am seen jabaru naar am seen kër yu baax oto yu koy def di ñëpp nag li ñu am na si mais ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoom naari duñ si ñàkk dara. Bu seen xaalis bi tarnee lu mat ci waxtu ak ñaar ñu fay di léegi léegi nag dañ lay imposé dem ne ku dégg ku dégg dugg léegi nag teg bi nag mooy problème bi teg bi nag chance la mën nga teg nga pompé sa chambre arrière si sa sojaag nga pompé ba mu bopp ba teg ci géej bi nga ma ci digg géej ci tam maa di ci bi peer sa sojaag bi peer waaw bu teelee loo ma sori ma ndax aussi travail mbokk nga xëy def ay yenn heure yi day day waar moo tax ñu li fi géej ci doomu aadama kenn xamut lu toll même union européenne mun laa wax lin dee ci immigration c' est pas vrai mun laa jox les chiffres exact mënuñ ko parce que liñ dee àll bi moo bëri encore liñ dee ci montagne dafa bëri dafa bëri ba day damay dem wuti sa tool lii ci est ce que réellement tukki jax na ko dangay dem ba ne est ce que tukki jax na ko billahi dafa métti dafa métti nit ñi di wasin xoolal ci kaw montagne da ngay gis jigéen ñi di wasin amul kenn du la assisté ci ngay fortel ba génn bu génnee kenn ku nekk nga dégg bu ñu xool na ma la sobee jeex na la fa xew àdduna bu tukki la te bu ngeen ci wax li ma gën a jëkk mooy boo fay nekk li man maa ko dund dinaa la ak sa waay day fen wala ak sa waay day sóob ne kaamu si kàmbe yi waa gi fekk sama ba fekkee fekkee ku teg kàmbe nga door waat maa gis ñu mbir mi di demee bëri naa ci ay morom ku mu jaar ci yoon bi gis na la affaire bi métti na vraiment li ci mën a wax dafa bëri lool lool te boo ma ci posé ma tontu sa bu soobee yàlla maa ngay dem. Léegi Sarr ci côté boobu est ce que ba leen rëcc par exemple ba romb Maroc ba dugg biir Espagne est ce que foofu accueil bi du posé problème dégg naa da leen di parqué fenn ñu jot a rëcc. Dégguma. ma ne ñu jot a rëcc ba dugg ci biir Espagne xam nga foofu tamit da leen di réceptionné encore am na benn. Ay policiers espagnol wala yooyu ñu leen di téye ñu leen di def ci camp la temps ñu leen di bàyyi ngeen ci ba voilà foofu. Non, waaw yoon it maanaam yoon ni yoon yi ñu bëggee dafa bari. Waaw dafa bari mais boo duggee boo duggee ci côté marocain bi da nga dem ba dugg ci foofu dafa taxaloo dafa jege ba nga xamante ni bu dee ci wàllu village bi la li ngay xuus ndox du bari da ngay boo jàllee boo defee boo defee attaque bi nag nga poste jaar si kanam nga jàkkaarloo force auxiliaire yi foofu xeeta am parce que ñun dañuy bëri dañoo mënuñu téye ay 700 personnes wala 800 personnes mënu leen arrêté mënu nekk ñoom dañu si gars yi dañuy nekk dañu am doole ñoo fi nekk ci kanam ku taxaw seen kanam ñu tamponné la léegi nag yow boo portee ba dugg nag ba dugg ci village nag da ngay tapu rek ngay dox nga tapu bu réew nga buur nga jaxandu si nga tapu tapu boo ci boo taxaw doxee lu war la presque ay salaire rek boo tourné sa droit boîte rek yéen saa jeex na. boo duggee Espagne nag foofu nag ñu am ci chance bu fekkente ne amul benn crime bu fa am amul benn agression bu fa am. ñu xas bu dugg na ñoom dugg nañ Espagne jeex na beneen bi sax meeru Espagnol yi ñoom ñoo lay ñoraal la ci yow di leen def léegi ci loxo daal dugg si ñëwal ñëwal ex nga boo xasee ba dugg rek tiim amul rek mënul mënul si dara mais ñu toog chance bi ñaar chance parce que dañu tuggoon mais nak attention nek na da ngay dougal ya ngeureum de dede do dougué ci kan yi la lay yow ta kan yi bu la ko yobbo nak da ngay metti encore kan yi man nga fa am nañu fay def 3 ans man nañu joko ak ay ñoo xam ci am lu ko ma def dafa ba ligi 4 ans 2016 ba tay la taw dama katane 2016 ba tay la dougal né dem ci kan yi ba tay gi may wax ak yow am nañu fa def 3 ans am nañu fa 2 ans ba ko problème bi dund won jamono bi ñu tollu ni bu tombé jamono ay covid bi Europe dafa neexatul Europe dafa neexatul te metti na te metti na même bu la fay tax yow légui ci kan exemple la lay jox tay nga defon fa tay depuis 2018 bu dog la libéré 2020 légui bu la libéré yow légui ko jox lan ngay liggéey Europe tool yi ñoo fa am te tool yi toi bi dañoo kacco am na ci ay produits yu bon yo xamanteni ni mu ñu jaan la wallahi Europe dem ko man alhamdullilah fa ak ci ci rew bi ni ma ngi sant yalla bu baax la billahi wallahi da cheikh yalla lay wax ni bu gumay rek ben dina aw waxa metti deug da la am na mo bu ñu fa yalla rek wallahi jël visa ko pos par sama ko ci bu cheikh xel sama papa bu def waaw da ngay ma len ila am ma len am de ter wala ci wala canada nga xamne dama wacc sigi da ngay dewe wacc sigi mais quand ta yone suuf bi ni duma ko dubbe yone dox bi moko digal nit dum ak parce que dafa metti nek na bo dugue bo dugue bo jale rek yalla yalla xorogé dé dé mais wonde la ngay dunda ak ama dafa metti parce que do liggéey nit ñi bari nañu ci parce que dim dina bu la libéré légui fo jom et puis lan ngay liggéey mu nek ak benen problème tani ma ngi yiss né tan benn ay sénégal ñu né xawma 1000 nan sénégal duggu nañu mais problème dañu yokk sen bokk nañ tok sénégal lay wara tuli nañ tok sénégal ñu jéma jaxal la nguur tamit nek la fa amna fa ñu ko waxa dé gis nga walu ñu ñu wara tel xaaliss di mi jox di ko jox ci réew yi dañu fay ko ci ko ñu wante dem li ñu jox Macky Sall dafa bari na Macky Sall la ak goré na goré nak Macky Sall li ñu koy jox kon Macky Sall la fa kon Macky Sall bu ko président man rek ci mo Macky Sall président la 2012 2019 ne ko président 2012 2019 ne ko président waye ci ma yow dafa porté ñepp xam nañ dafa ko dafa patti ay soy wax di dama koy jaar ci digg bi waaw ma xala bi mo mu ñoko yaq nga rew mi ala di lay nit ñi di jox nak amal ngor ay Macky Sall tekkal ci yalla nga kéré ay yidin xolal sa ma Macky Sall boko def juroomi yidin ñu defal affaire fi te ñun pir bi diñ ko jaxal yidin bu nek mën na jël 1000 jeune ñu sey liggéey nga dama footal nga defal ko ay yidin dañuy tok nga dem kiep dafa fa ay yiss fa ta wolu du xamul senegal mais xal ci union européenne la mais lu leen jox ni teb dok ñom tay kurel bobu may tuddu ta commencé amu def hmm ya lu ko wax ñom seen kurel bi ñokay teddo ñokay teddo mais du deug du yoon tuba yi wax deug yalla ñi ngi def li ñu man mais suñu état yi ñoo sérieux wul suñu état yi ñoo matul ay état ñom ci bopam ñom ñoy ray demi mais bo tege senegal wax deug yalla nek xale bu ndaw nga xol sa yaay mu walaakaan xol sa papa mu walaakaan yow mënoo liggéey boo jàngee ba noppi dund orienté ñaata ñoo am licence sénégal di ngay gaxe mais réew mi du dox ñaata boo demee ci kii district sanitaire yi hôpital yi yu sénégal yi ñaata saasaam ñoo jàng dëj bo doon rek gis rek dëgg lu leen jëñu mu leen leen yóbbu feneen xoolal ñaar armée ñaata lay rek armée li muy libéré ci ay soldat dafa bëri ñu doo leen def formation nga dugg leen nga def leen ay ñu nekk ay policier ñu mëna nek ñu liggéey mais bu ñu wax Sénégal do koy wax dañ ko dé dafa mo wutisé nak mais dama bëgg wax né li wa union européenne di duggal ci xaalif ci kallama xaalif ci Sénégal bu ko état bu Sénégal defon ci réew immigration pratique xamal yéku la dëgg la dina lañ ci na lu jox ben information bo xamné man mako dund ak jeune yi mako dund ak jeune yi vraiment gis nga li ngay wax sa ay dëggal parce que yay fatlikou taw ousmane ngom frontex buñ créé won frontex buñ créé won jox ay milliards yu bari gis nga union européenne dépêché ay député ñu ñëw fi limay wax ñi nga dégg bu nekkul dëgg na député européen ñu ñëwon fi yalla dafa defoon mam sama ben xaritu bu dal liggéey ci union européenne bo xamne mom dafa jël retraite bi ñëw dëkk sénégal belge la koku xam ci délégation bi kenn koku ne ko pour te dire comment union européenne wolou wun sax état du sénégal ñu ne état du sénégal préparé na ben rencontre ak jeune yi nga xamné ñoo jégué ci walu immigration ko moy ñi nga xamné da leen rapatrier mais ñoom dañu bëgg kenn ku leen organiser ben rencontre discrète bo xamné day jël responsable jeune yi ka bolé leen député européen ñi defal man ma créé won rencontre bi créé añ bi hôtel sabana la invité quelques boys discrètement ak député européen ñu tok fofu boy tok wax len lu bare bare bare ci sacc gi nga xamne amna ci xaliss bu ndugo ci frontex ni ko tourné xala yoyu ñi ma ngi len xamé won reportage bu ma defon yarax ci walu mbeum bi defon na ben reportage yarax gis nga moy moy bañu wone yarax mo nek point de départ yu bare boy yoy nak ma xamol len fofu créé won rapport mais li den netali ci xaliss bi motax gis nga même légui ni mo gisé ni jeune yi commencé wat ndik ndik bi ciagne gis ñu ne jeune yaangi dem jeune yaangi dem en l'espace d'une semaine rek nga mënte japp ñu ci tuddu ñu bari bi dafa est-ce que état bi créé wu lolu sax au fond pour union européenne genn xaliss dugulat ko ci ci projet yu ñox man lolu la gëna ñox Yalla nu yalla aral jërëjëf. Eh faté ma wax gaay na len après ma ñamal len tout ci élection Guinée. Waaw. Guinée wax nga dëgg, Guinée. Ñi ngi len ki tay tax man ñoo après ma ñamal len ci tout ay ci. Ah mais man Guinée ragal na waji dina gagner élection. Ah waji lim def. Dama lay wax ben sénégalais. L'élection guinéenne commence lundi 19. Xam nga ñom tay lañ voté. Waaw. Dëgg len bu baax lima len wax. Élection Guinée mi ngi commencer lundi. Parce que dama japp né waji bu ko jaralé mu ray plus de 30 personnes 40 organiser élection législative référendum ci bir covid ni ñi doon dé bu ñoo organiser forcer de troisième candidature way way xam duma moy organiser élection perte ko way tay gagné way tay gagné coup d'état constitutionnel la dem mais nak coup d'état militaire xew na mais nak da lañ wax dara bay lañ ci xel la famille amna ñun timit ben taxaw bu ci fassiyene am nañ dem rek ay ci en tout cas dal di nuyu suñu bokk mu kenn wax dafa xamna ki de cœur la waaw parce que bo xolé suñu dox suñu xalé yi ni ñi genn tém Europe vraiment dafa ñaaw c'est une honte da dafa melni suñu président ils sont complices parce que dafa melni ñom dañ koy def pour européen gis ko pour mën leena joxat xaal bo xamné toujours xaal bi xamné fa mu jëm dañ koy lek rek mais c'est une honte. Afrique, c'est l'avenir du monde. On a tout des ressources naturelles. On a la même chose. On a une jeunesse. Mais nous avons des mauvais dirigeants. On a le boy, on a un grand âge. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. On a dit qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Parce que le Sénégal, c'est le pays le plus aidé du monde. Après, il fait partie des pays les plus pauvres, les 25 pays. Ci affaire chômage sax dégg na ñu nek avant andaré Burkina Faso on va faire lañu raw troisième man suma déggé motax suma déggé donc xam motax yeen chiffre suma ko déggé man ay réel lamay def quoi dama né ñi ban Sénégal lañuy wax quoi dañuy fonto et puis il y a des lobby yi nak les Marocains sont complices nañ ko wax jaru ñukoy ragal ils sont complices lolu moy wax ji avec la complicité aussi de certaines sociétés civiles certaines presse cette presse aussi war ngeen ka tenir il y a des gens yo avec vraiment ils sont là pour l'état parce que suma digue yene question yi ñukoy poser Ousmane Sonko ak wa Fatim nan len yeen du ngeen proposer mais ñom luñu proposer ñom leena fam ken fam len buñu fal ko le président Macky Sall ah wa Sonko proposer nañ sax ñom ñi ma ka agriculture wala di ne de plaisir wa da ngay critiquer nañ mais opposant bu critiquer lu mi def mais non, c'est vraiment. Mais il y a des journalistes qui ont été pour critiquer les gens. Ils d'accord avec moi. Ils ont été libérés, ils ont été réfléchis d'accord avec moi. Ils ont été contrôlés. Voilà. Même depuis que je vois tout ça, ils ont été contrôlés. Ils ont été contrôlés. Ils ont été contrôlés. Ils ont été contrôlés. Journal 22 RTS, moi n'ai qu'une soleil. Mon discours à la nation, le Macky Sall de Def. Mais vous savez comment faire le discours à la nation, le Macky Sall de Def, spécial. Les contacts cette émission, bien des fois, ma maître, ma madame, qui vraiment c'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Quand on est en 2007, 2007, demain on va y voter. Mais quand le candidat? 2007, effectivement. Malheureusement, on a dit voter à Milan, mais on a plutôt opté comme pour le Sénégal là, tout le monde quoi. Mais moi, 2007, moi là, vous connaissez pas tel quoi. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô. Allô, salam aleykoum. Baba, yang ngay deg? Ma lay deg waw. Man la Ji Omar Diop, ma watone na ya non ta, may François. Très bien. Santi Yalla. Santi Yalla, vraiment participer ci émission, wax orientation et actualité rapidement. Waw, ma ngi lay deglu ay ci. Non, pas du tout, l'immigration clandestine, mais pas mal, l'immigration clandestine, le rapport OIT, bon, l'air en l'air. Vous êtes Sénégal, moi, le troisième pays le plus, où il y a plus de chômeurs au monde. Donc, il y a du temps, il y a du franco là. La corrélation des âmes. Oui, la corrélation des âmes. Donc, non, avec les diables, malheureusement, les jours n'ont pas de passe, c'est dommage. Gars, il y a du bruit. Non, yo, 45% de chômage, lolu amul fenn, man lolu man musuma gis, lolu c'est incroyable, 45% de chômage, c'est énorme, c'est beaucoup quoi. Mais, doy la war, hein? Non, doy la war, c'est Sénégal, rombu sa new di sul new jam moy senegal exactement c'est ça may day kéro mi ni touré nek rdr nan ko mo pap deux xom wala té 24 14 milliards man sama xam nan so mais so nak ñu on a dépassé beaucoup allo allo yang mi dé waaw dafa démone légui réseau bi ay ci nga résumé ñu teunk pour ñeneen mëna dugg xamna gaay bu dugg ci waaw dama rapino mais pas malé waaw Macky Sall Mbalo démon nañ Nigeria Sédi Bouari affaire bobu doono wabé wa gaay ko waxtane ci bir la famille ci panel mané gaay ko waxtane ci bir la famille nak xawma nak la lañ fa doon waxtane dal waye ñom ñaar xamna dal ñom ñett mom gis na seen photo ñu tok fole voilà wax mu dof wax mu yegg dama ko mom nañ ko éco lu koy wax nañ ko éco maya parti bi raté xam nañ lepp dajé allo salam ay way manon nga ko lepp tay dé wa mais c'est plus fort que moi xamna lolu xamna ko tu n'as même pas la voix reine mère c'est plus fort que moi wa tu n'as même pas la voix ba dila sante rek dila garabati jerejef yalla motali ñu lepp rek lay wax amin jerejef yalla nti sallallahu alayhi wasallam barke cheikhna mi tuden barke serigne baba kasté amin mais reine mère bi pa mom tay dama lay may rek nga ñaan mais bu guddal parce que tu n'as pas la voix te on a besoin de toi non duma guddal lima bëggon wax rek moy dana ko sank gor nga garmi nga gararar nga gararar bi mu degg na ba gaay diko débat gararar moy ku ñu tan ci bir garmi ma ñaari tanef lay doon parce que limu def ñi tay du ñep ko man ñep ñoy nang wax seen jaar jaar mais nak mom pour éveiller xalé yi rek mo waral mu génné lolu kon ñu koy ñaanal rek gisagul dara nak ñi nga xamné amna ko tay diko fessel ci kurgu yalla ko ci suñu borom amin ya rabbi amin waxtam limay wax na ci immigration bi rek moy ñun jigi amna ci part de responsabilité waaw ndax té yaay yu bari ñoy jël seen yi bisu ci ko jaay deug la di encourager xalé yi ñuy dem naan état bi deful la mu wara def mais du raison pour xalé yi di braver ñi mer bi di ñew absolument xamna ci kanam xeyna duggé ci family motali ma ngi len di sante wa non reine mère tay wa family jëppal ko bal wa d'accord na kon na ba légui bal nañ la ko tay pour nga jël vraiment ki pour suba wala neex lu bat mais tay mom bal nañ la deug nga d'accord kon nak bax nañ fa nan jam jërëjëf merci beaucoup jërëjëf wa koku limu wax dafa am solo xam nga ñi ngi done tuddu légui migration am ak corrélation fam ken mënu ko wéddi comme ñu ëpp tout ñu ñoy 3e té série ci guerre la nekkam motax ñu té dem na woné bon dernier allô salam aleikum wa aleikum salam sama cheikh modess ah eh ko gëna mang koy nuyu bax té ya jëru liste gis lako dé ya jëri ya gattu liste bi tay dé day way liste bi xalé nénañu ma liste bi ma damay revue de presse bannal wéne té ya gëlé té yow té la liste mer la jox la ko postit baraka dégg nga tay dé tay dégg na nga tout message bu gudd tay gis lo ko dé def na ci bu gudd man sama yonne ko ci sar ma nga joxé waaw ça me fait plaisir quand même non plaisir partagé aussi ouais tout à fait de la famille absolument ouais. Puis les débats sont riches ouais sar mom tay toyal na xol yi tepp ku yaay rek tay am nga lo yepp yow deug la waye li ren mer wax legui rek dama koy deugal ni yaay lañu condamné man nga yaay la condamné ndax deug la tek neex na de mais faut pas ñu jël charge yu tek ko xalé yi ndax yaay amna ñu food lu bare parce que yaay ñoy dem ci mitini yaay ñoy hôtesse te xalé yi amna lu ñu bëgg seen bopp gën nañu sagal seen wajur yi way yow mi di wajur xamal na sa réew nga mëna liguer sa doom tek sa biir rew hmm immigré dafa metti lool mënu ma ci wax lenn lo xamné sar waxu ko wax deug la wax na lepp hmm waye man ci wajuri rek lay wax ba légui wajuri hmm nañu sétat sen bop xamné nañu taxaw sénégal waxtaan ak sen doom yi sénégal lañu mëna taxaw hmm mëna liguer suñu rew suñu doom tekku ci suñu sept suñu sept sept waye lañu wut ci bitim rew ñu dañuy séyal suñu askan hmm séyal sa askan moy yow da ngay ñew bitim rew di nga fa am jabar di nga fa am do yow kene un jour da nga ñibisi wala kan ñaanu ko yalla nga dé nga ñibisi mais après sa askan dañuy def bitim rew ba légui rek tuba bi moy bénéficier suñu suñu kaw hmm ba légui tuba bi moy bénéficier parce que jabar di ci am fi lañuy def am fi jabar fi lañuy def ay européen lañuy doon absolument ay européen lañuy doon côté bobu yaay gir yalla nañu xol da xamné ni nek ci gouvernement bi gënu ñu ñoy yew absolument gënu ñu ñoy yew hmm ku ci nek ben nit nga représenter moy sa ben carte ngay sanni hmm to togué ci gouvernement bi manam askan bi mo la fotel ba nga tok deug la ñu liggol ñu mu ñal sa 5 ans bu jexé ñu génné la fi parce que yeuf ci c'est pas un royaume dañ la dañ la mamé nga tok bo liggé nga tok bo liggol nga dem kenn ba ñu kenn c'est question de système là question de système là parce que xalé ñu ngi dédé bu metti dé bu ñaaw té ñu wajuri ñoo la amal ak dé wajuri nit ni ñoo amé suñu doom ak ak gouvernement bi amé na xalé ak gouvernement xolal li sa expliquer rek ak doomu adam ak doomu adam lu mo do dundé dund goom bu xey dé et puis damay wax sax né ñaar yoon ngay pert yow xam nga jeunesse moy tabax rew ndaw moy tabax rew té so xolé amna ñu dëkk yu bari ñu ngi koy ubbi parce que xam nañ dañu am une population vieillissante bëgg nañ ci doolé jeune africain ñu ñëw tabax fofu mais ci lolu ñu ci sétlu yow tu perds ta jeunesse mu buy dem bu démé yalla traité ko bu kan bu ko fa ñaké yow milliards yi lay jox nga boole ko saccat ko alors que milliards yoyu mu romuy ko ñëw def ci le pour retenir au moins jeunesse ba volonté dem mais c'est mu dal vraiment ama jek ma siag sax dama ci tay billahi yalla xam nga dama koy tay dang ci tay dang ci tay feba ci am ci xol buy metti parce que nga nan pap pap da nga nan ni lan lañuy xalat ban façon xalat la ñu ci adina mais xalis bu ñuy jël ay seen rek la xalis xalis après xalis bobu lan la lay jëri ñu bëggo sa askan bu gouverner sa askan da nga ñew pour enrichir enrichir nga dem nga bay sa askan bu ko man liggéey liggéey dëkk bi té fi askanam parce que gis na pap manam europe ci bopam dañu bu population bu maguette quoi hein ce population dafa maguette absolument da ngay xol ci covid bi nan lo ci dem moy maguette rek xolal maguette combien de personnes ñoo dem bu doon jeune dañu te ten dans les EHPAD voilà tu vois maison de retraite mais gir yalla man damay lekk di keur ci len gouvernement bi ay nit lañu dañuy dund dañuy dé gis na bokka ni di dési geej bi ni di dési dañu gën ko la yok borom bi bala ñoo dé parce que ñom lenn ñom ñoy poussé xalé sax xam nga lan lañuy poussé xalé pap xalé dañu dem ba ragal sénégal ragal sénégal manam sen avenir c'est zéro quoi parce que gouvernement bi liguew ñu dara pour ñom ñu gis ñuy sédo alal bi ñu gis ñuy sédo dëkk bi di sédo souci di sédo lepp légui xalé ku ci nekk rek nit la nga nan wa man sama avenir moy lan ba paré rax ci dool dama koy waxat sen jabar yi sen doom yi sen jabar yi fi lañuy wëssale fi lañuy amé ké fi lañuy jàngé fi lañuy fajo pap imagine toi rek nga nekk jeune légui fo jëm da nga nan na jël bëkk bi déné jël bëkk bi jaru ko parce que ñom ñuy waxtané sen biir ba mëna dugg ci bato nañ waxtaan sen biir génné fi ñi quelques personnes rek la kenn waxul violence bu kenn door bu kenn toj ñoo moom suñu sénégal mais gir yàlla nañ def marche possible na leen dem leen gir yàlla ñu defal suñu réew te toog ñu defal suñu réew te toog parce que yow nomméw ñu la pour que seen doo def absolument nomméw ñu la pour yow nga jël sa doom mu dem bitim réew sa jabar di fa wasinee say doom ne fi imagine toi rek pap yow nga nekk président de la république nga nekk ministre wala nga nekk député mais say doom bi ñu jàngé sénégal bi fa fajo dëkk ñu fa léegi nga naan sa population du ñu toog tayuñu ko sa man borom sa absolument. De solution. Tiens, déjà, first, ni les, ni les, ça te le gère. Merci, Khamnaman. Amna dinañ ma tégg amane mais nañ ma djéggal Allah waxé ren mère mo la pousse ay minute bo nga bolé bo voilà ci nga gaw djéggal sama yaay bo bo allô oui allô papa réunion waaw depuis États-Unis membre de la famille. Oui, ni les yards de bas. Voilà. Donc, man, ma intervention, c'est sur la relation du député, député Sow. Wow. Parce que moi, je me suis dit, Wadi, il faut vraiment le monde en Tchahane. Sauf à moi, le monde en Tchahane, dans la tête. Bon, on est dans la sous-région. Bon, on est le Mali, le nord du Burkina, Nigeria, même le nord du Cameroun. Les peuples au centre de tous ces combats. Les peuples sont au centre de tous ces combats. Donc, voilà, nous avons un bar dans le droit. Les gens, vraiment, pour nous faire le député aussi, il faut nous rendre, c'est pas parce que dans un succès de guerre, quand nous allons faire le député. Mais il faut nous rendre pour nous faire le député. Parce qu'il y en a qui ces déclarations là, c'est très dangereux. Les gens de peuple, il y en a un groupe. Raisonnez les politiciens, vous dites, hey, vous ne pouvez pas utiliser notre ethnie pour faire votre compréhension politique. Donc, moi, j'appelle à tous ces intellectuels-là, comme le vieux bar, du Wakron. L'antidote, il y a quoi? Mais aujourd'hui, le président Macron, il est à fond, alors que moi, mais vieux bar, il n'est pas clair. Logo me reproché, logo me interpellé. Donc, malgré son âge, malgré tout, mu jël couragement deux mais wax ko que da nga wara féliciter, tu ne peux pas l'interpeller. Non mais le président de la République Macky Sall, non dama né tontu woma dé da nga né les vieux bala manala le vieux bala da ko wara féliciter malgré son âge, il a pris une claire position bu ñëpp dégg mais mom la wax dé voilà wax day yéru non wax da nga né nous interpellons le vieux bala manala non koku il faut le féliciter. Ah non, vous ne m'avez pas compris. Moi, là, je ne sais pas comment voir. Interpellation pour vous à tous les élites à ce moment-là, c'est normal. On ne s'est pas compris. Au contraire, je l'applaudis. Très bien. Au contraire, je l'applaudis nous-mêmes. Moi, je demande au chef d'État de faire un discours, comme un discours normal à la nation pour appeler à tous les élites à ce moment-là. Non, ce n'est pas ça. Vous filez le même. Nous sommes appelés à une cohésion sociale, mais pas à la dislocation sociale, parce que ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, les plus constants à une famille, le nom le Niger, Burkina Faso, Al-Shabaab, nous connaissons. Donc aujourd'hui, il faut que nous calculions le mouvement. Allez, gagnez-moi conclure pour que je n'ai pas aussi. Voilà. Voilà, conclusion. Conclusion. Voilà, la conclusion. Voilà. La conclusion, vraiment, c'est que plus politique, nous avons dit quoi. Très bien. Très belle conclusion d'ailleurs. Sun policier yi na xam nañu wante buñu dofé ñom ñun nañu nité. Voilà. Mais voilà. Pas dans la mais pas par là. La terre malade de Dubaï là de Conakry là. Vous voulez connaître la fuite hein. Duma ci wax dé. Ah mais amen. Duma ci wax la wax. Allô. Allô, salam aleikum. Wa aleikum salam. Allez. Oui. Je suis allé. Absolument, Sar. Wax na lo nga xamantene mom lu beuri xamna ko te bu baakha baakha ba parce que man immigration clandestine bi dar na en 98 la dugu ci Espagne. Donc yi beuri nga xamantene mom mi may wax ni xamna ne realité la parce que jarnaat. Bu ndek man ngeen nak bu jekk mom metiwul comme legui ni mu meté ni papa amna ay rak ay mat ay jarbat ak nangam ak nangam mais man bima fi duggé ak sima jaar dama jël sama responsabilité man dëre buma liggéey man bu gëna tuuti duma ko jox sama bok pour muy ñew yoon suuf ko responsabilité la bo nga xamanté mako jëlal sama bok tout à fait man malgré que duguna yalla jappalé na ma duggu pero niñ koy waxé sama bakkan mënon na dess ki bi parce que gisna ño nga xamanté mom téni bakkan dess na ci donc dama né sama bok sama responsabilité suma télé sama dërëm ma jox ko sama rak wala sama mak mu dess yoon bi sama conscience bi lay don donc mënuma wax kenn né bul dem yoon su mais du don xal bu nga xamantene mom man bima liggéey ñakal sama bok jox ko sama bok pour mu ñew ci yoon su donc kon maire bi lumu wax responsabilité numu responsabilité ak tan ken waxul ne bul ñew europe ken waxul le europe neexul de waye nak suñu sénégal buñ ko liggéeyoon mom moy tax téméri jooni yoon europe amayo do tax sénégal be nit xol na ne ki nangam la wala nangam donc lol déjà lu bari man kuma fi amone ay milliards sénégal moma gënal téméri jooni yoon espagne ak li nga xamantene lu ñu yor yépp. Très bien, merci beaucoup. Mais li ma bëgg wax rek moy waaw da teunk timit parce que la xam wax nga fimu nek li 3 minutes ma baye bu jall da ngay teunk timit pour ñeneen ñi dugg moy comme li may wax toujours rek Sénégal ak sen gouvernement bi lum leen daral ñu peuple bi nañu daral lu ko raw. Très bien, merci beaucoup, le message est passé. Ati nek jërëjëf, merci beaucoup, ma ngi sante di ñuy ñëpp. Allô. Allô. Allô. Allô, salam alaykoum. Ça va bien? Xarama wax ki Cheikh Abdou Ndongo fa nga mësa gis résultat buy génn te nepp ñom te paréguñ sa voté ak may top papa le résultat gi né résultat gi né résultat mëna génn te ñom ñi ngi voté paréguñ xana nak Sénégal sax duko amuñu ko France sax amuñu ko France di nga dem ba 20h 21h do nga xam résultat ya résultat s'il vous plaît guiné xama il faut lo xamné ngén def lu raisonnable wax lu raisonnable ak lu logique quand même ay tie ma ngi lay déglu wa señ bam wa ñu ngi jarde ngi polier résultat guiné ma résultat guiné mën ta gënal légui nak wala allo señ bam wa ma ngi lay dégg señ bam wa ma ngi lay dégg bu baax baax wa ñu ngi jarde wa ñu ngi délo ziar wa pap señ sét lo ben ngir depuis 2012 ñi faré nguur gi wa 2012 ba légui ñu xam nga fa mo nek sen tribunal moy plateau télé quoi moy sen tribunal ñoom dal que parce que dafa melni justice amu Sénégal quoi ñoom constat bu mu seuf rek légui ñoom télé moy sen tribunal quoi dafa wax lay dama leen yéeram sax ba koy wax ben copain de Maroc xom kan moy sen chargé de comme APR wala gouvernement bi mais vraiment il faut le boulot pour ñi yor communication passive parce que songo day wax lundi ken tontu ko mardi kenen tontu ko mercredi kenen tontu ko jeudi kenen tontu ko vendredi samedi dimanche chaque jour il est à la une de tous les journaux té mom lundi lay geja wax dé mais chaque jour moy nek une journaux ndax wa APR ak gouvernement bi ta ta ta ta ta non c'est extra blair non dafa neex dafa neex mo naka sax mo naka sax dakar la ilaha illallah bo et puis luma jaxal te ñoom ñu Sénégal luma jaxal ci yeen nit ñi ils sont tolérants avec les gens malhonnêtes et exigeants avec des gens honnêtes mais luma jaxal ci Sénégal quoi man les gens ils sont tolérants avec des gens malhonnêtes et exigeants avec des gens honnêtes exigeants nak oui non c'est dénoir et puis gis nga politique Macky Sall bi nga da nga fa attaque lu parce que mu commencé ay arène nationale ay nangam yunus gis na comme lolu français que bi Omar Bongo amna lolu jeune gabonais dafa len ibil kon mu nek mu ibil len bar bala gabonais di xam lu xew tek sen petrol da sen bois bi yeb tan kon mu nek mu ibil len bar ni la géré Gabon yi ah mais nak Gabon du Sénégal mais xam nga Gabon du Sénégal te jël nga conscience légui yow yaangi nand xam yow yaangi nand lool nga fokk ne ken nit gaay nand du ah en tout cas de am no ma wax trop ñoom rek deug la may wax trop ñoom bi deug rek gaay néna lo conclure comme jeunesse Sénégal, jeunesse bi parce que rew ndaw moko wara liggéey. Absolument. Mais bu ndaw yi jëlé sen bagage bëgg genn réew mi kon réew bi kan mo koy défar ëlëk. Mais ndaw yi ñun ño wara tok ci réew mi jël suñu responsabilité. Parce que man buma déglu discours ñi né ci nguur gi dañ nan président de la République amna yërmane té mu ngi dimbali askan ñun soxla wu ñëmb lool mom moni man na. N'est-ce pas? Absolument. Waaw mom moni man na défar réew mi ñu jox ko mais féténe dem na ba mënutul na jakkalok askan di leen man kat fi la mëna yëm mënutuma. OK ñu sét keneen ñu jox ko mu doxal. Mais mëno mais depuis 2012 réew mi day gëna délu ginaaw réew mi day gëna metti. Waaw motax ku nekk wara jël ay responsabilité. Waaw ñu ñoo wara jël ci responsabilité ñu défar ko. Merci. Merci beaucoup jërëjëf. Voilà koku joxe na li nga xamne modi xalatam li wax deug la parce que aussi des fois dama deg wax lo xamne do jël ta responsabilité bëgg délégué sa xex kenn du la xexal. Allô Allô grand. Waaw sama no def mala Babacar. Sant yalla Babacar. Wote depuis Mulhouse. Babacar ça va? Ça va bien, merci. Nous ici, le Boubach, mon acteur d'opère. Très bien. Je suis une émission Boubach. Mais comme on a dit, qui est immigration, dit. Je trouve que c'est dommage, quoi. Moi, je suis là, je suis là, je suis là. Am di goor ko gatch la ko mais par contre ñi bëgg ñew ñibisi timit manalé boy ñibisi un retour se prépare parce que fi je suis déjà sur le coup ma écrit lola non wax ma la yow de manière globale la wax un retour aussi se prépare voilà do teub rek dama ñibisi jël fi parce que bari ñu bay woon set am yu bari itinéraire parce que buñ naxanté timit dañ wax deug rek te yalla tax buñ naxanté je bay yu bax yi nga extérieur yalla jox la ce travail ngi damay daw ñibisi deux nga ñew sénégal fi système bi fi ay boko xamul dé ay bo ñe gaay be jël la ba ma nga fi joggé 2015 très bien donc 5 ans rek la fi def donc j'ai dû avoir une bonne expérience avec peut-être dans le domaine où j'étais. Moi imprimerie donc amna yo xam na ko ci jantel ak yo ñaan da donc je suis pas dans tout le parce que mon ñu mën ci wax rek tu travailles tu gagnes mais tu gagnes pas assez pour tout notre bob de là on dit sa famille nek de France Sénégal sa xarit sa am diam donc yépp li les solliciter donc c'est un peu difficile sur ce côté donc ñu bëggon wax rek mon jeune ñima gis ñu jëma jël da ça va pas la peine si bo fi ñëwé amul lenn lu fi am tu ne sais pas qui travaille, bon, c'est ce que j'ai l'impression, il n'y a aucune activité. On a une bonne activité pour ce qu'on donc, Djaruko, il n'y a pas de travail. Et pour qu'il n'y a pas de travail là-bas. Dans les travail. Et ça ne sert à rien de travail pour nous finir. Ça ne sert à rien, moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que moi, nous, nous, parce que ay waaw mooy ñu connect sa bop la fi nekkal tout à fait ñu seen bop la fi nekkal waaw donc combat bu ñu war mooy tay fexé Sénégal jëm ci kanam nit ñi gor gorlu manam ñu ñuy voté ci ñu voté ak maturité waaw ñu jox voté ak maturité mooy jox ko xamné tay ki wolu leen ci gis nañ ko buñu tax dëkk ñu jëm ko jox suñu voix merci beaucoup da ñu li wa minus yépp jërëjëf waay Babacar merci. Allô salaamaaleykum papa Ali. Maaleykum salaam Boubacar Camara Abdallah Etats-Unis. Boubacar ça va? Bien merci mon cher. Très bien. Je veux juste intervenir par rapport à ce problème d'immigration. Aïcha n'y l'a dit nous Boubacar? Voilà je pense que nous Atlanta Etats-Unis yonu souf amna fi be day fak nit ñi di jaar Mexique wala frontière terrestre bi nak amna nak ay amna ay sénégalais sax yu ci jaar ko duggu ba nek fi mais amuñu kay tendu ñaan tarak wala sa mag wala sa xarit ci jël yoonu geej Sénégal suñu Sénégal la jeunesse bi moy défar réew bi tam bi nga indi nak dafa neex parce que da fay woné ni responsabilité ku ko mëna jël parce que Sénégal dafa metti mais ñaanuñu suñu jeunesse bi dem parce que patron baangi liñ leen mëna wax moy Sénégal def sa touti bu fekké ñëmé nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ko xalé bu nekk da nga mëna am ëlëk xey bu mat dëkk dama koy top sa kër tax bu ñu diviser ci bidax de pétrole bi ak ressource naturelle yi fa génn kenn ku nekk war nga mëna am dara bu tour la ci waaw mais nak pétrole bi li ci sama gaay def ci Allah santal gaay ma ngi ñëw chronique bi di ñëw mais non non tot de gaay ñoo graw fofu moy jeexatal livre bi neexna trop xamna ren mari lu gën la lire sa boss ce livre mang lay sip bu baax non chronique waaw chronique bi di ñew na dina jum tuti ci petrotim mang lay sip bu baax dafa yow livre bi liru ñuko mais ñu koy lire à travers toi c'est important motax ko mënu ñu la remettre par rapport ni ñi informé juste est vrai engagement bi nga am nak défendre Sénégal bëgg sa réew mom lañu bëri am mais yaa ci taxaway bu rafet motax ñu lay ci jëngi nañ leen wax li fa am ci ndox mi ku mëna jël sa responsabilité dem nak sa responsabilité la merci yow ñu neex da waxta construire ko hmm lool la amul jërëjëf merci beaucoup ñu ñu wa Atlanta yépp jërëjëf pap ñu lay jëf ñu nak aja non amul problème dina fa ñew jajeuf jajeuf xam nga c'est important li ñi wax ni li mo dafa më patax néna dañ lay informer ci li ci am ci walu ko ku nekk da ngay jël ab sa responsabilité allo allo assalamu alaykum wa alaykum salam allo di pop ñi ngi lay nuyu di ko fiir vraiment de nga dugg tay ci sujet bu doy war tabarakallah dirum immigration bi absolument dama yakkar tabarakallah suñu gouvernement bi dañuy enrichir ci suñu jeunesse bi ñu gëna xam li xew absolument dafa fekk nak tabarakallah suñu jeunesse bi ño wara gëpp sen bop ndax gëpp sa bop moy bay ci sey wew tank ngay tambalé ndax légui tukki dootul tukki en plein air da ngay am expérience am xam xam mom sax la rew yi bëgg jël nit ñi sax la ñu wax ni immigration ciblée immigration bu jog rek dem immigration il faut nga am xam li la tax jog lan la am xam xam jang ba paré lima jaxal moy tabarakallah moy ñun suñu réew bi africain lay wax li suñu leader africain fa ñun dañuy gagné xaliss jëma indi ci suñu réew jëma construire ay projet ñun en tant que doomu africain suñu alal dañ koy yob ci réew Sénégal par exemple ñun en tant que sénégalais je dis mais bu fekké né ñun suñu dirigeants africains yi ñom dañuy am xaalit liko indi ci réew yu melni Suisse yu melni France liko fa jëf té buñ dé France jël ko wala dama lay jox kaw mo botu buñ jëlé ci xaalit ñi sacc yépp mais légui ñing ko yobbu ci dëkk naari nak ay Émirats Arabes Unis ay Dubaï fa lañu yobbu seen xaalit parce que man fi gaay fi ñu bare bare ñi liñ dégg fofu man ñi nekk fofu ñi may informer ci lu bare bare bare non pap il faut que ñun en tant qu'africains ñu yew ñu xam parce que on peut pas avoir des dirigeants africains qui sont riches leurs comptes bancaires sont en Suisse en France ils s'investissent en Allemagne, ils s'achètent à Dubaï, ils se consomment des Chinois, ils prient à Rome, à la Mecque, des enfants étudient en Europe, des tourismes effectués au Canada, aux États-Unis, en France, ils meurent, ils veulent qu'on enterre en Afrique, au pays natal. Pas, Viriel, comment un Africain, un Africain, l'Afrique n'est qu'un cimetière, nous parlons de Wahbé, l'Afrique n'est qu'un cimetière pour l'Africain. Parce que comment on peut développer un cimetière? Parce que il faut détecter le mensonge, l'injustice, l'ingratitude. Maintenant, il faut sauvegarder trois choses aussi. Il faut aimer la sincérité, la reconnaissance et la valeur. Wassalam, assalamu alaikum. Djerejef. C'est vrai que les Africains, des fois, ils ont des lumières. Tu nous dirais rien. Ils ont des lumières. Tu nous dirais rien. Ils ont des lumières. Ils ont des lumières. Ils ont des lumières. Parce que lui, il boycotte l'élection ivoirienne. Ouattara, il a beaucoup de monde. Il a tout. Macron tweet, félicité. Tay ji yaangi nek guiné ya xol ñi ngi tit ci guiné mais aussi la gestion de nos pays fu ñu xolal damay waxtaan ak ay confrères guiné su bobu lay ci la nekkon ci guiné la nekkon su bobu ñu may wax tay ñom ñi ngi dogo comprendre dama leen dañ wax ci campagne bi na leen l'élection guiné commence le 19 ñu ne ma non papa ñang ñu vote le 18 ma leen wi mais le contentieux proposition électorale. C'est inévitable. Mais si tu as le président de Wahre, avec l'appréhension de l'élection, il va y avoir un contentieux post-électoral. Le président de Wahre, il faut voter, la Guinée n'est pas se développer dans la violence, mais l'État va assurer la sécurité pour que celui qui veut créer la violence, il ne va pas le faire dans le bataille. Donc, nga ñew yow pour def un troisième mandat il a fallu quelle l'incohérence yow tu as eu deux mandats présidentiels 2010 troisième nga jël so ñu arrangé ba nga ñew jël deuxième Sidy Touré mo la rawone 44% la alpha mon les faits 40 pour la première fois ñu dem deuxième tour yo xamné dañu tok danaka 1 mois pour organiser 1 mois ou 2 mois pour négocier ce lot pour le faire législatif pour nga bobu la dem dim def ay reportage affaire manifestation limay wax ni bo len tapé da ngeen gis pratiquement tous les grands moy tu ne battais pas pour un nom je me battais pour un système démocratique en 2010 ngam ci lan la fal dans des conditions rocambolesques nga jogé fofu nga am sa deuxième mandat sur la base d'une constitution bo xamné dañ ko discuter won ñep d'accord ci armée bi ñeu tekku ce ne bokku ñu ci processus électoral yow pour nga am troisième mandat nga nek constitution bi mu sukkandiku man pour ñu fal ma ci premier mandat pour ma ci fal ma ci deuxième mandat nga nek constitution bobu baaxul nga nek constitution bi nga xamne yow si nga amé ce premier mandat fi nga défé xoma cadre ñaata dané d'opposition motax nga falu président benen bi nga am deuxième mandat nga non constitution baax avec comme argument way l'armée lutax ko yow ba ngay ñew di wut ce deuxième mandat poser un débat parce que tout simplement beugone nga changer constitution pour meuna wut troisième mandat tay pour nga bu ñina front national de défense de la constitution touche pas alors touche pas il a fallu ñaat nit lañu ray ci manifestation yi parce que bobu dem na fa ci manifestation yi dem na fa def interview covid bi ñu na sarax tuku ñu mu lijeent ko rapidement def forcing couper les ponts avec pratiquement ñep ko nako mënul nek couper les ponts avec tout l'union européenne et tout ñew imposer di bolé législative ak référendum né rafel na votal nañ ko constitution bu bess à combien da bay wax man limay wax nit am waxon na wax ci gën nga ñew indi une nouvelle constitution ci bir covid bi la la wax de nga tej gi ne fugu leen constitution bu bess ya ngi combien de morts ay 30 ba amna ci internet sax ñu wax ay 50 morts amul benn suite bu ci amone mi yeneen fateliku les femmes qui ont été violées au niveau du stade le 28 septembre ak la fa xew taw dadis mi lool amul benn suite amul wax sun dëkk yi nu mel c'est problématique nga ñew lool yépp am nga impose motax man la yeen ko nga xamne narna mo foot logique ko xamne jaral nako mu ray tomien de personne imposer une nouvelle constitution pour être candidat en troisième mandat ngeen ne fop ne ko dina organiser une élection nga ñew tay ji xolal rek li ma leen wax ni c'est extraordinaire mu ñew tok deg na un de ses opposants ne way nous allons déployer des superviseurs dans tous les bureaux de vote mune legui aucun représentant de parti politique du am PV bureau celle là c'est ni mo mo joxe résultat lolou lañ wax ñu ne aucun représentant de parti politique di joxe du am ki di wax légui sur quelle base le représentant du candidat à l'élection pour faire un recours sur quelle base bu nekké ne amul PV ñu ne sénni rek xam nga dafa am lo xamne da koy def xama du bo togué di réfléchir nga joggé fofu nga ñow xam nga koku jappal na la a part de lundi mardi mercredi crise pastorale en fait est-ce que ce pays va basculer ou pas comment ils vont gérer cette crise post électorale que mijote l'opposition sur quelle base après il va gérer même ce mandat ce n'est qu'un raconté fokaniko damay wax ne donné yoy la lay wax lool lañuy dund ba paré nak ga def lolu bëgg ñu wét la respecte la jox la cër à l'extérieur wal ñu xalé ngi jël Alassane Ouattara dem Côte d'Ivoire bi xam man entre parenthèses aro la dégg na la ngay di nga di rétane carte électeur wa guiné liste unique lañuy voté yow sa dëkk bi sañ ñoo def liste unique allô grand pap nako mu sant yalla abdullah man la abdul jallo depuis canada oui abdul jallo ça va sant yalla en fait pour mu gëna bref mu gëna gaaw pour bu ci jël temps bi waaw man dama yaakaane tout ça c'est lié manam bo ñi ñu ci gaz bi di dem du mu tuddi di mbëk bok ak li xew ci dërum yi tout est lié mo sét lo gaay bu leen di da ci nekk di gestionnaire di wax ko ci lu jëm c'est que le facture une donne yagna moy courant bi moy tok me yoyu c'est facture là on en train de continuer d'expose comprendre facture yi gën ci tout lolu waxatu ñu ko bo xolé tamit banque yi nek Sénégal yeu c'est des banques françaises ñom tam bu ñu ngi ngay gaay ci taux de paiement ci yo ta am ci ay port comme pas possible en fait bo c'est lolu tout est mal dit le Sénégal lui-même au Sénégal, même s'il a un emploi et qu'il a un stress, il parle très très difficilement à en sorte de voir tout le monde. Amna un diplôme, voilà, un métier, mousse, panique. Donc tout est tellement lié au Sénégal, c'est le seul responsable jusqu'à présent, c'est les gens. Merci beaucoup, sa contribution. Yeah. xam nga ma ngi den développé ci yaay arona yaay wax di wax ak guiné mais ñun moom la dañuy fëgg dëgg guiné 12 candidats la ñoom liste unique lañuy voté ñun fii sénégal dañuy fëgg suñu bopp woy démocratie la moo tax damay gisé bañ wax dama lay jëtt xam nga dama ne ni tege nele te fii ñu d'accord on liste unique mooy ñoom Macky Sall 2012 ñoo ko compte bañ nekkee ci pouvoir buñ delluwaatul léegi opposition bi revendique donc vraiment ñooñu do ci taxaw benn mbir bi nga joge fofu dem fii Côte d'Ivoire watana toog wax je ne serai pas candidat dajale parlement bi sénat assemblée wax ko fa wax ko en interne wax lu bëree ba allo maaleykum salaam waaw babaale waaw man la drame de l'Italie waaw li déglu drame waaw ya man ni dama xalat ci immigration yi en fait xam nga avant l'Italie ba fii ki nekk la droite là Salvini donc immigration clandestine délilé woon donc comme léegi loolu teggi nañ ko gars yi xam nañu amé les informations lolu motax ñu rek gaay di bëkk parce que lolu digg bi ko nekkutu jëri donc ñepp xam nañ ni donc ci dëkk yi amul guerre donc libi guerre bi gaay di ñu xam nañ dañuy traverser donc la muy les maliens les nigériens et les sénégalais donc gaay yu ñu information bi lolu voté nañ ko nekkutu jëri motax gaay ko nekk nekk mais avant dañu sal ñu rek nekké donc gaay bayru won man da waxu jaxal def ñu ben sax pile la man xawma j'ai pas compris ça très bien merci beaucoup sa contribution jerejeuf OK papa merci beaucoup ma ngi dégué won fof dem ko di wax xam nga ñew tok et puis nga tok créer candidat kadal de nga né non suma nekul candidat parti do am candidat amad bakoy ko matuko ñeneen ne fa nek ñu matuñu ko yow rek ak mo avec ça opposition bi ki legui nga yaangi créer yow yaangi faté condition yi la falé won xol watara li ndak pour fal dem ci xam dara pour taw dem Côte d'Ivoire bañi def ko guem soro digg crise danaka kid Côte d'Ivoire sax la digg gisé néw bu ndray ni ak pistolet ak yoy quoi budul dé bo xam néw normal la yoy tek su defé jour reporter yob mo Côte d'Ivoire envoyé spécial parole d'honneur Simone Bagbo bam koy guéné ta yo mang Côte d'Ivoire donc mën dama djig bi ciag mané avec tout cela tous les ingrédients là tuy waxé rek ñu né alors légui nak bo guéné ci lool yépp luñ ñu tek ñu nangu ko luñ ñu tek nga wut keneen ku la ko xéxal facture courant yi ñun neub ta dañ wax ne yokku nañ ko facture courant la la ma delu ci wat ci sénégal ci bill yoy ñu def nonu di wax ay affaire ki dañ ci wax ren mer ñu ci wax part ci affaire wu ñom samuel bek yoy dem ci wax ñu yok ba leg facture courant bu yoké pour ñep sénégalais yep teji waron manko taxaw buñ woté wacc ci mbéd mi comme ñep jakarlo ñom non luñu ngay régler allô papa li nga ne facture courant dafa yok mais ci yoké ci yow day yok ci ma yok ci kene ni ngeen koy dundé lañ koy dundé mais non ya nga ne yokon ko graw télé dund gi dafa cher mais dund gi ci ñep la cher Je pense que Sénégalais, il faut que nous devions une prise de conscience, se battre, l'union avec les familles, un engagement citoyen, vous de goût, qui est vous de goût là. Mais non, non, c'est-à-dire, dans les talks, ça qui, du matin, de la malheur, de la malheur, de la non, mais attendez, de la malheur, de la malheur, de la malheur, de la voilà. Il faut que nous, nous soyons citoyens. xex nak du wacc tok teul teul mais il faut qu'il y ait ben pression ci état bi bam xamne ñim ko digalé nak du nit ñu jaxaan mais fi ngay gis union lank wote won fi manifestation te courant bi dafa sét xam la lay def da ngay gis ñi nek di carapet nek na xolal ñi sen marché bi amul nit ñoñu nak ñoy tok bëgg la wo di la xam wa yëngali gi marissaga xexi mi xexi yëpp ñu tik ku ci lu bare bare bare bare bare est ce que dundum directement la soxal non o gay il faut gi nga tay dama bëgg lima lay wax ni c'est sincère dama koy wax fi ñi koy déggul fi timit nan ko jotali ñeneen neleen oui non c'est à dire waaw légui xam nga non waaw xam nga ñun suñu société dañu nekkon su dañu am 30 personnes dañ leen genn wa mais 30 personnes bo leen taxawé am fulla am fayda taxaw jamar lok ñom ba bu jeex tak num ko jaral mu jaral leen ko mais du ko jaral kenn lum koy jaral coup de fil bo xamné 30 secondes wala 1 minute ray la nak waxa waxa waxa ba geex bu nga xé ba ba daana nak bu raccroché pour mon problème régler na giga transfert de problème lay def duñ ko dama yalla sénégalais mais dëkk yi ndaw ndawani dañuy yok mburu dërëm mu jaral ko askan bi mais xam nga njit yu ñu yor ñom ñepp la la wax buñu lande mu doy dañuy fa ñaata scandale lañu tuddu ci réew mi amul suite tay mansour lañ waram xawla wuyjil ofna warna am pression wuyjil françois ñay genn keeti ñaata ñaata scandale lañuy tuddu fi ñaata mën ton ko def na ay question écrite assemblée nationale mais del xol le traitement qui sera réservé à ces questions de fond xol delen xol li li nara ñew lepp gis nga fepp fu état bi gis na xaliss war na fe genn gis nga yu bare bare li so liñ wax ni jaay na ko ci patronat deug gu wër peng la ay deug yu wër peng la gis nga instant bi nga xamne dama jëlone pause non lañ ma ñëk yegal kenn kuy liggéey direction là-bas en face hôpital principal la mu ñëk envoyé message dama yëngë na ni ngi jaay ma togaat ben militaire woma wax ma ne ma amna numéro état na ñu parce que xaliss lañu soxla motax ma leen den wax na comigo bañu wax na woy nekkutul fa ñu fa jëg ma ne leen yeen li ngeen di dil ci patrimoine bâti de l'état do leen ko wax c'est du n'importe quoi du grand n'importe quoi lañu dund légui nak sénégalais war ko mëna nangu bëgg ñeneen ñu leen ka xéxal dam leen woy wa syrie wala ñeneen ñu xéxal leen vraiment gars waxtan du neex mais la famille ma ngi leen di sant di leen gërëm ci débat yu élevé yi ngi def ak information yi nga xamné lañ koy joxe ñi bëgg dugg ci la famille nak mais les règles du jeu dañ ko respecter moy waxtan man nga joxe position ci yow ci respect de la position de l'autre ñe ñu koy def ñu bari bari donc vraiment kon ñi sant gars yépp di leen gërëm di wax né sar maroc mention spéciale hein ci touru la reine mère famille bi yépp ñu mention spéciale à sar maroc ci vraiment gis nga yeen ni ko deglu fi ci live limu wax ci groupe la famille mo daq fouf geuleul leex sandwich bi dako echo fi sandwich bek yu bare bare bare dako echo mais gaay ñu leen gëna yok aro la il faut buñu tollo ci 1000 jour bobu nak ñu célébrer ko d'accord jour bobu dañuy def ben live spécial pour la famille kessé bo xamné live privé lay doon pour les membres de la famille kon vraiment ça ñu lay jaajeufal encore de nuyu sa famille yépp sa détermination d'abord ak sa engagement patriotique mais c'est sa capacité wax vraiment li nga xamné mo nekk ci ki bi arrondissement spécial aussi dafa yo xom ba doon ngay teud nelaw mais aussi les femmes vraiment munuma ci bre ciaw def na ben texte bu am bota bu ñu genn sank ci affaireu agissement structurel yu bare bare bu len fogné ma yi xol lepp au détail près kon gaay ma ngi leni sant den gërem di len dig dajé inshallah mardi ni top affaireu dina bi nak di xol parce que def na le soin mu def trop sant ñep Senegal is unka, and you're my goal. Aki, Senegal is unka, and you're my goal. Senegal is unka, nan len yo ne man ko.